Tropical Master and Life. We'll be right back.

We'll be right back. Vous êtes là? Faites du bruit! Oh, faites du bruit pour Scal et Master Homme!